Moi je les vois trabaisser. Les vois changer, ça me gêne. Y'a des choses qu'il faut dire en face. Et d'autres qui n'en valent pas la peine. Je n'ai jamais eu de plan B. Je n'ai jamais rêvé de percer. Je me méfie des sourires aiguisés. Des traîtres en amis déguisés. Plus d'argent, plus de soucis. Je sais que c'est un prix. Je sais que c'est un prix. Plus d'avance, je me rends compte que toutes leurs paroles en fait c'est que du bruit. Je m'ennuie d'un carré. J'ai cent ans plus parler. Ça me fait même plus d'effet. La malin, on l'a fait. L'argent, on en a fait. Ça me fait même plus rêver. J'ai des amis que j'aimais qui sont mis à m'envier. En vrai, ça m'a déçu. Je m'ennuie d'un carré. J'ai cent ans plus parler. Ça me fait même plus d'effet. Millions de vues, j'ai pas fait exprès. Sans forcer, j'ai rien vu venir. Comme des serpents, j'ai voir en paix. Mais bon, tranquille, je garde le sourire. Je n'ai jamais eu de plan B. Je n'ai jamais rêvé de percer. Je me méfie des sourires aiguisés. Des traîtres en amis déguisés. Plus d'argent, plus de soucis. Je sais que c'est un prix. Je sais que c'est un prix. Plus avant, je me rends compte que toutes leurs paroles en vrai, c'est que du bruit. Je m'ennuie d'un carré. J'ai cent ans plus parler, ça me fait même plus d'effet. La malin, on l'a fait, l'argent, on en a fait, ça me fait même plus rêver. J'ai des amis que j'aimais, qui sont mis à m'envier, en vrai ça m'a déçu. Je m'ennuie d'un carré, j'ai cent ans plus parler, ça me fait même plus d'effet. Plus d'argent, plus de soucis, succès à un prix, succès à un prix. Plus j'avance, je me rends compte que toutes leurs paroles, en vrai, c'est que du bruit.